chanson. C'est fou, 89 ans. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Olivier Lessard nous expliquera les dernières tendances musicales dans le courant passe. Et on fera le tour du monde avec David Perron et sa chronique Les Notes Salées. Assemblage requis commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 16 février 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Salut, Steph. Salut, Matt. Passe une belle fin de semaine. Ouais, ben ouais. Oui, ma maman était là, montée de Gaspésie. OK. Fait qu'on n'a pas poté en fille. Party, popote. C'est pas party, mettons. C'était pas party comme un popoté. Pas party. On dira pas jusqu'à là, hein, tu sais. Okay. Donc, ça commence très bien l'émission. Steph, tu veux entendre parler du plan de l'émission d'aujourd'hui? Ouf. Moyen? Je vais te forcer. À 8h, on va parler de QTR en spectacle. Deuxième chronique de 3 avec les gens qui participent à ce phénomène, cet événement d'envergure internationale qui est QTR en spectacle. Hey, mais là, j'ai oublié d'aller écouter celle de la semaine dernière en balado-diffusion. Est-ce que je vais comprendre ce qui va se passer aujourd'hui? Tu vas comprendre. Tu vas peut-être être mal à l'aise pendant 2-3 secondes aussi. Je te dis ça de même. Ah. Ensuite, à 8h30, David Ferron va être là pour les notes salées. Et là aussi, on va être mal à l'aise, j'imagine. Un peu de malaise aussi. Apparemment qu'on va rencontrer un nouveau personnage dans la famille, ben, peut-être pas la famille, mais la famille éloignée un peu de Marie Melon. Son personnage récurrent favori de tous. Ah, t'es pas sérieux. Et que les critiques nous reprochent sans cesse. Ensuite, à 9h, tu vas nous faire sa plus simple expression. Oui. Parce qu'on est lundi. Mais tellement. Et on veut savoir pourquoi on dit des affaires. Oh oui. Parce qu'on en dit des affaires. Je suis prête. C'est ça. Ça, c'est à 9h. Mais on va débuter avec Olivier Lessard dans quelques instants. Sa chronique Le cours en passe, où il nous présente de la musique d'un petit peu partout, comme ça, de même. Ça y tente dans un genre de musique que ça y tente. Fais ce qu'il veut, ça. Mais c'est sa chronique. Carte blanche avec Olivier Lessard tout à l'heure. Mais avant ça, on débute avec White Horse sur leur album Leave No Bridge Unburned. On écoute leur extrait Downtown sur C'est fou, 89 FM. Till you make them your home. But hey, do I know you? Summerland est encore loin de toi, Assemblage requis. Ça a été précédé de White Horse et leur pièce Downtown au 89 FM. On accueille Olivier Lessard maintenant pour sa chronique hebdomadaire. Voici le courant passe. Ça commence bien une chronique, ça, ça te met sur un ton zen. Pas mauvais, hein? Pas mauvais du tout. Donc, Olivier Lessard, bonjour à toi. Bonjour à vous deux. Je peux te présenter Stéphanie Paradis. Bonjour Stéphanie Paradis. Enchanté. Ils se sont jamais vus avant. La chronique Le Courant passe. Peut-être ailleurs. Oui, ailleurs, mais pas dans un contexte radiophonique. Effectivement. Qu'est-ce que c'est Le Courant passe? Ah, le courant passe, je vais expliquer ça. En fait, veux-tu que je fasse le même jeu de mots que la semaine passée? S'il y a quelqu'un qui réutilise ses gags, c'est bien moi. Donc, le courant passe, je vais expliquer des courants musicaux à chaque semaine. Et par courants musicaux, là, comme je disais, on ne parle pas nécessairement de rock'n'roll ou le hip-hop de Brooklyn. On va aller dans des trucs un peu plus underground que des fois, certains diront « Ouais, mais c'est pas un courant, tu l'as inventé. » Mais ben, ils diront ça. Hein? Je vais faire pareil ma chronique. Hey, c'est pas sur C'est ça. Puis le titre, en fait, le courant passe, c'est un jeu de mots parce que le courant passe entre nous trois. Je me demandais justement comment qu'on faisait pour faire le bruit du courant, mais tu l'as si bien interprété. Ouais. Sinon, t'as Pikachu! Courant qui vient avec. C'est pas fou aussi. Ben. Et donc, le courant passe parce que s'il passait pas, ben, je présenterais pas ce courant-là. Et voilà. La semaine passée, on a parlé de l'Oregon. Oui. On a parlé du folk qui se passait en Oregon. Et cette semaine, je vais rester dans la thématique du folk, mais faites-vous-en pas, des fois, je vais parler d'autres choses aussi. Mais là, on s'en va en Abitibi-Témiscamingue. Très proche. Ben, pas très proche, mais plus proche que l'Oregon, mettons. Un peu plus proche, ouais. Relativement parlant. Ouais, c'est quand même loin. Ouais, c'est ça, c'est loin. L'Abitibi. Et donc, cette chronique-là, j'ai décidé de faire ça parce que jeudi dernier, il y avait un fabuleux spectacle de Philippe B. Étiez-vous présent? Malheureusement, j'ai pas pu. J'avais déjà quelque chose, mais c'était le show des soirées cachées, c'est fou. C'était incroyablement bon. Je pensais que JP l'avait fait spécifiquement pour moi. Ah! Mais sûrement pas, il doit avoir d'autres raisons. Favoritisme. Aussi. Ouais, ben. Donc. Ça a l'air louche, dis même. Donc, c'est ça, j'ai eu le goût de parler du folk. Et là, j'aurais pu parler de différents styles musicaux. J'aurais pu parler du hip-hop de l'Abitibi. Du métal aussi qui est très fort, de l'Abitibi, Témiscamingue, précisons le Témiscamingue, sinon les Témiscamiens ne seront pas contents. Ils ne se sentent pas inclus. Effectivement. Ben oui. Et moi, j'ai eu la chance d'habiter 8 mois en Abitibi l'année passée lors d'un stage à Val-d'Or. Et donc, j'ai pu assez bien connaître différents styles musicaux et voir des artistes de la place. Juste assez pour pas rester plus longtemps que ça. Ah ben j'avais pas le choix de partir parce que université l'oblige. Voilà. Ok, je pense que c'est une question de visa. La carte de crédit là était pleine. Je suis venu pour traverser le parc de la Vérendrye puis j'avais plus le droit. Et donc, qu'est-ce que je disais? Je vais parler des termes, en fait. Parce que le folk country de l'Abitibi a la spécificité que certaines régions n'ont pas. Et moi, j'ai sorti hier soir quelques termes qui sont très présents dans le folk abitibien, dont l'enracinement au territoire. Et le territoire, il faut le dire, là, l'Abitibi, c'est pas la Gaspésie. Donc, c'est un territoire qui est rough. Il y a beaucoup de mines. Il y a des mines environ 3 minutes si tu restes autour de Val-d'Or, Wanaranda. Si tu vas dans le Témiscamingue, là, c'est comme un autre monde. Là, tout d'un coup, il peut pousser des carottes. Là. Ah oui. Mais dans ce coin-là, c'est très rough. Et ça, on le sent dans les chansons. Rapport avec la nature qui est très important. Tradition, réalité autochtone aussi qui se mélange, c'est une réalité importante dans la région et souvent on s'en rend compte dans les chansons. Donc, tu sais, c'est pas du folk là, à la John Mayer, ben relax, que t'écoutes d'un 5 à 7 professionnel. Là, c'est du folk rough, tu sais, que t'écoutes avec un scotch le soir. On the rocks ou. Ouais, On The Rocks. Direct dans la bouteille. C'est pas tout comme ça, mais ça a une petite tendance, genre, on écoute les loups hurler, puis sur le side, on écoute du Desjardins en buvant du scotch. En tout cas, moi, c'est ça que je fais dans mes soirées d'été. C'est ça, jugez-le pas. et j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Donc, les artistes, il y a plusieurs, il y a deux générations principalement d'artistes qui... Parce qu'il faut dire que l'Abitibi-Témiscamingue, c'est pas une région qui est super vieille. Là. Ça date pas de 400 ans, mais d'environ 100 ans. Première vague, évidemment, il y a eu les booms des jardins qui peut-être sont... on s'en souvient peut-être un peu moins. Lui aussi, il a pilé une mine. Ça, il y a des mines partout. Je pensais pas ce genre de mine. Oh. Oui, y a-t-il une guerre en Abitibi? J'étais pas au courant. Non. C'est des mines qu'on ramasse, des roches, évidemment. Et Richard Desjardins, effectivement... Qui a été un grand artiste et qui a beaucoup influencé. J'oserais pas dire que les artistes ne s'inspirent que de Richard Desjardins, évidemment. Les artistes d'Abitibi-Témiscamingue sont pas seuls dans leur coin. Ils écoutent ce qui se fait ailleurs et ouvrent les horizons. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de musique émergente qui va dans tous les sens et qui... mais quand même, l'influence de Richard Desjardins, de gars comme Raoul Duguay, au niveau de la poésie dans le folk, le country, se laisse transparaître. Ah, wow! C'était comme une syntaxe bizarre. Hein, ça avait l'air de vouloir être cute. Ben oui. Il y a Louis-Philippe Gingras. Connaissez-vous Louis-Philippe Gingras? Je pense que oui. Mais je suis pas sûr. Il est venu en spectacle, il me semble, à Trois-Rivières. J'ai des questions pogne à matin. C'est-tu lui, Satan dans mon miroir. J'ai roulé dans le noir. Ouais, c'est exactement lui. Ouais, c'est lui. Ben oui, c'est lui, justement. Et moi, Louis-Philippe me fait triper bien raide de par sa poésie, de par son jeu de guitare aussi. Guitariste jazz avant tout. Qui fait du folk, mais qui a un jeu ben le fun, qui peut ressembler à ce qu'on écoute présentement en background. Et qui va repartir dans 3 secondes. Je l'ai dit exactement au moment où il n'y avait plus de background, juste pour c'était parfait. Que vous catchiez timing. Que c'est pas une toune de 15 minutes, mais que c'est une toune en loop. Et j'ai une petite citation ici qui va vous faire comprendre un peu l'univers poétique dont je veux vous parler, qu'on retrouve beaucoup dans la région. Ça va comme suit. Autour de toi, tout est croche, une pépite dans de la roche, un gisement de firmament. T'as miné mon calvaire, mon cœur à ciel ouvert. Veux-tu m'épouser? Wow. Ah, oh, wow. Mais là, il dit pas veux-tu m'épouser, là, ça c'était une demande. Avec plaisir. Le Saint-Valentin t'a tellement mis dans un mood bizarre. Ouais, ah, c'était comment, c'était à Saint-Valentin. On l'oublie, mais. Hein? C'était-tu le fun? C'était relax. Oh, je suis allé manger chez Mike avec ma mère et son chum, puis mon chum. Gros party. Good. Pas mauvais. Rien fait tantôt. C'était on oubliait là, que c'était ça. Là. Mais c'est le fun, l'amour. Pas grave. Ah, c'est beau, c'est beau. Aux auditeurs qui nous écoutent, l'amour. Ben. Oui, mais aimez-vous à l'année. C'est ça. Ouais, ben oui. Ben voilà. Et... d'autres artistes, Diane Perron qui était du côté de Trois-Rivières, je crois, en fin de semaine. Élixir de Gumbo, tout ça. Là. Même, oui, Élixir de Gumbo. Effectivement, Michello, Chantal Archambault qui se sont fait connaître au Frima. Parce que là, ça, précisons-le, là, on peut avoir l'idée que Abitibi-Témiscamingue, ce qui se passe musicalement, c'est le FME et ça ne s'arrête. C'est le Festival de musique émergente. Festival de musique émergente à Rouyn-Noranda. Qui attire beaucoup de monde, beaucoup de Montréalais qui vont au Chaga puis qui après ça ils vont au FME parce que c'est de la musique émergente. Même c'est fou, il va, t'sais. Même c'est fou, il va. Oh, ben ouais. Oui, c'est vrai, Jean-Philippe était là cette année. Et c'est un très beau festival auquel je n'enlève rien. J'ai eu beaucoup trop en fait de plaisir au FME cet été. Mais faut dire qu'il se passe des trucs à l'année longue dans cette région-là. Il y a d'autres très, très beaux festivals, dont le Frima, que je m'en allais parler. Le Festival de la relève indépendante musicale en Abitibi-Témiscamingue. F-R-E-M-A-T. F-R-I. F-R-I. M-A-T. M-A-T. Ouais. M-A-T. Qui est M-A-T? Oh! Festival des langues sales aussi, qui est à la Sarre, qui est dans l'Abitibi Ouest. Un très beau festival. Je suis allé là cette année. Il y avait Xavier Caféine, okay. Dans un bistrot qui s'appelle La Maîtresse. C'était un très beau Chaud. Et évidemment, il y a la fée à Amos. J'ai pas le choix d'en parler. Sinon, Mathieu La Rochelle qui fait des chroniques dans l'émission de Karine Interdit. Ah oui, ben oui, Les Audacieuses. Ça s'appelle Les Audacieuses. Les mercredis soir. Exactement. Ben oui. Ben oui, ben oui. Et tout ça pour dire, finalement, que la chanson que je vais vous présenter là, dans une couple de minutes quand je vais arrêter de jaser, c'est une chanson de Macy Emond, qui est une chanteuse qui vient de La Motte, qui est souvent venue au Frima. Tu sais, ma parenthèse, c'était même pas pour dire qu'elle était au Frima cette année. C'était pour dire qu'elle est déjà venue souvent au Frima. Okay. Tellement qu'on l'appelle Frimassie, Emond. Elle s'appelle Macy Frimassie. C'est un mot, Frimassie? Non. OK. C'est juste une combinaison de deux mots ensemble. C'est pas officiellement un jeu de mots, mais non, bien une invention un de mots. Un smoosh que j'appelle. un smoosh. C'est le bruit que ça fait quand les deux mots rentrent en contact. Ouais, c'est ça. Wow. Smoosh. On disait donc Macy Emond, Macy Emond. Macy Emond, faudrait y demander. Ouais, c'est ça. Et c'est une violoncelliste, chanteuse, auteur, compositeur, interprète de La Motte. La Motte qui est un village tout près de Val-d'Or en s'en allant vers Amos. C'est une chanson qui s'appelle Outarde, tirée de son EP Qui vive. Et Macy Emond le rentre bien dans ce mood-là dont je vous parlais, là, le scotch en écoutant les loups hurler. Là. Et d'ailleurs, sur son site, il y a une biographie, évidemment. Et elle en parle dans des mots que j'apprécie beaucoup. Elle dit Qui vive, son EP, c'est cinq pièces qui s'assemblent pour former un état de veille, pour se bercer sans s'endormir. Ah! Ben oui. C'est beau. C'est beau, relaxer sans tomber endormi. Mm-hmm. Ouais, pogne un buzz. Oh, ouais, vraiment. Bzz, bzz, bzz. si vous voulez avoir ça, c'est sur Bandcamp, c'est sur son site internet aussi. Bandcamp gratuitement même. Ah. Vous pouvez quand même donner un certain montant si vous considérez que ça vaut la peine. Et moi, je vais presque vous quitter là, après la chanson, donc je vais tout de suite faire ma conclusion. Okay. Si vous voulez plus d'informations sur l'Abitibi-Témiscamingue, ben, premièrement, vous pouvez toujours vous faire des amis là-bas. parce qu'ils sont bien fins, puis ça va être les premiers à vous parler de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue. Mais vous pouvez aussi aller voir sur le site de Voir a fait un très beau reportage en comme quatre parties au complet sur l'Abitibi-Témiscamingue. Oh. Je sais pas si on fait ça sur toutes les régions ou ben si celle-là est spécifique, mais en tout cas, c'est un très beau documentaire. Et donc, c'est ça. C'est ce qui termine ma chronique et on s'en va écouter Macy Emond avec la chanson Outarde. Puis si on veut savoir comment son nom se demande, il va falloir lui demander. Son nom, c'est Emond, de famille. Wow. De demander. Bonne journée. Bonne journée, Olivier Lessard. Merci. À la semaine prochaine, lundi à 7h30 pour Le Cours en passe. Merci. Fondre ici. Aïe. pour nous. Jésus-Marie, Joseph, Amen. Alléluia, Jésus-Marie, Joseph, Amen. Alléluia. Merci Simon, la pièce Outarde dans la chronique Le Courant de Passe. Ça, c'est les lundis à 7h30 d'Assemblage Rookie. On prend une pause. Au retour, deuxième segment sur trois du QTR Spectacle 2015. On va parler des participants. On va parler avec les participants. On va parler de qu'est-ce que c'est ce soir-là, du QTR Spectacle. C'est au retour à Assemblage Rookie. Restez là. Fou d'excentricité. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage Rookie en ce lundi 16 février 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Stéphanie Paradis va être de retour tantôt. N'ayez crainte. On va parler du QTR en spectacle dans quelques instants. On va se faire inonder. On n'aura jamais eu autant de public dans le studio. Mais avant ça, on s'en va entendre. Elephant Stone, voici Knock You From Your Mountain sur ses fous. Quatre de fin FM. I'm not afraid to C'était Elephant Stone et Knock You From Your Mountain à Assemblage Requis à 8h05 en ce lundi matin. Et pour une deuxième fois sur trois, on va avoir des gens de QTR en spectacle. On va continuer ça jeudi matin à l'émission. Mais pour l'instant, c'est le moment de la deuxième partie. On reçoit Laurence Gagné et Raphaël Pépin de l'épreuve d'émission culturelle des Jeux de la Com 2015. Bonjour à vous. Bonjour. Allô? Bon matin. Bon matin. Je vous laisse mener cette prochaine demi-heure avec les participants de QTR en spectacle. Oui, bien sûr. On va commencer ce matin avec un groupe. Et comme on l'a dit, d'après moi, c'est la première fois qu'on a, on a autant de gens en studio. C'est les cinq membres du groupe Spinal Tap, tous des étudiants en chiropratique. Bonjour! Bonjour! Donc, on a avec nous Laurence Roy, Gabriel Leblanc, Charles Doré-Coulombe, Jean-René Giroux et Martin Larouche. Et moi, je vous demanderais en premier, pour commencer, où est-ce que vous vous êtes rencontrés, Spinal Tap? Ben nous, Spinal Tap, ça le dit, dans le fond, on est, comme tu as dit, on est cinq étudiants en chiro, on vient de trois cohortes différentes. Fait qu'honnêtement, c'est vraiment un addon qu'on joue ensemble. On a commencé sur un show qui s'appelle le Party Chansonnier, qui est comme une méthode de financement pour une cohorte, pour un bal de finissant, dans le fond, en chiro. On a décidé de monter ça là, à la dernière minute, un petit show. On avait deux violonistes qui étaient super, on avait un drummer de feu, puis un guitariste et un bassiste qui se sont comme greffés à l'histoire. Fait que finalement, le temps de quelques pratiques, on a présenté ça, puis tout le monde a trippé. Puis je pense que les filles se sont fait approcher aussi lors d'un concours au Carnaval de Talents. Fait que là, on s'est dit, go, on s'en relance dans l'aventure, puis on fait quitter en spectacle, on s'essaie. C'était en quelle année ça s'est passé? Toute cette année, dans le fond, ça fait moins de 6 mois. Ben, en fait, ça fait 6 mois qu'on se connaît, tout le monde ensemble. OK, on dit c'est récent, ouais. Quand même. Pourquoi avoir choisi le nom Spinal Tap? Ça, c'est une question que je peux pas répondre. Je peux peut-être laisser Jean-René répondre. Ben, écoute, je vais t'expliquer, c'est bien simple. Dans le fond, moi, j'écoutais les Simpsons, puis c'était un band fictif dans les Simpsons. Puis Spinal Tap, ben, je trouvais que ça avait un lien avec la chiropratique. Fait que j'ai décidé de proposer ça, puis tout le monde a accepté. Quel lien avec la chiropratique? Ben, dans le fond, on étudie beaucoup la neurologie, puis la moelle épinière, puis c'est ça le lien. Dans Non, mais ça sonne bien quand même comme nom. On se douterait pas que ça vient des Simpsons. C'est une très bonne idée. Vous, dans votre band, la spécialité, c'est que vous avez pas de chanteur. En fait, c'est deux violons qui sont comme la vedette de votre band. Les violonistes, c'est qui dans le groupe? Il y a Laurence, puis il y a Gabriel. Parfait. Et pourquoi avoir décidé, en fait, d'avoir des violonistes au lieu d'avoir des chanteurs, chanteuses? Mais dans le fond, moi, je joue du violon, pas seulement comme ici à Trois-Rivières. J'ai un groupe dans mon coin à Sept-Îles. Puis, j'étais la violoniste principale, puis on faisait vraiment juste du trad québécois. Puis, j'ai décidé comme de demander à Laurence si ça tentait d'essayer quelque chose avec moi. Puis, j'avais déjà un gros reel moderne de monter. Fait que là, je me suis dit, on pourrait essayer ça. Puis là, dans le fond, on est allé... on a trouvé Charles, qui était super bon drummer. Puis, on a trouvé Jean-René aussi, puis Martin, qui se sont ajoutés. Puis, on a juste comme repris ce que j'avais déjà fait, mais on l'a tout modifié. Fait que c'était comme un réessai, dans le fond, de quelque chose. Puis c'est vraiment dynamique là, comme numéro. Puis je me dis, ça fait juste 6 mois quand même que vous vous connaissez, que vous pratiquez ensemble. Est-ce que vous pratiquez souvent? Comment qu'on se prend à 5 pour que ça marche? Honnêtement, on se croise les doigts parce que justement, à 3 cordes dans un programme comme le Doc en Chiro, comme quasiment 11 cours par session, les pratiques, ça ressemble plus à une par semaine quand on est chanceux. Fait que on se fie sur notre... sur nos oreilles, puis on essaie, on se croise les doigts. Vous êtes des professionnels. Ouais, c'est ça. On dit pas, là, mais... Puis est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu là, de la prestation que vous allez faire à l'Université en spectacle? Le groupe, le medley que vous allez faire? Ouais, ben, je peux laisser quelqu'un parler, sinon... Ben, c'est ça, c'est vraiment, comme Gabriel disait, là, c'est vraiment un reel, puis ben, je pense que je vais la laisser aller. C'est okay. Plus sûr. C'est plus mais sûr. Dans le fond, je sais pas si vous connaissez le groupe Bodactam du Saguenay. Oui, exactement. Ouais. Donc, dans le fond, c'est un reel qu'on reprend d'eux autres, sauf que c'est ça, on l'a modifié un peu à notre manière. On a rajouté des solos pour le drum, des solos pour la guitare. On a, tu sais, comme peaufiné pour que ça soit vraiment notre touche personnelle. Puis c'est ça, dans le fond, c'est électrique, là. C'est comme un band normal, sauf avec deux violons à la place du chant. Puis ça va brasser. On se fait une petite mise en scène un peu chemise carottée, un peu bûcheron pour faire traditionnel, là. Fait que c'est ça, ça va ressembler... ça va être pas pire, on pense. Super. Puis là, dans le fond, c'est... jeudi, qui s'en vient, ouais. Qui était en spectacle. Y a-tu un petit stress ou vous êtes à l'aise avec ça? Je pense pas qu'on ait l'équipe la plus stressée. Ça va être juste bien le fun. Fait qu'on y va pour le plaisir. Ouais. C'est pareil. Mais je vous remercie beaucoup, Spinal Tap. Je vous souhaite la meilleure des chances. J'ai vu votre audition. J'ai trouvé ça super dynamique. Donc, vous avez l'air tous dynamiques aussi. Donc, j'espère que ça va bien aller. Fait qu'à ce jeudi, 19h. On va aller en chanson pour l'instant? Oui, en attendant les deux autres. Exactement, et juste pour pas corriger, mais au moins juste améliorer l'information qu'on a dit sur Spinal Tap. Je sais pas si vous saviez, peut-être que non apparemment, mais que le groupe est un groupe qui vient de documentaire, un faux documentaire de Rob Reiner en 1984, mettant en vedette Christopher Guest, Michael McKean, Harry Shearer et Rob Reiner. Donc on va entendre leur extrait Back from the Dead qui vient de l'album de 2010. Les vrais Spinal Tap, live en studio. Ouais. Ça c'est fou. Vrai Spinal Tap et Back from the Dead. Documentaire, faux documentaire de 1984 par Rob Reiner, parce qu'on recevait tantôt Spinal Tap, elle est fake, débutée en spectacle 2015. Toujours avec Laurence Gagné et Raphaël Pépin de l'épreuve d'émission culturelle au Jeu de la Com 2015, qui sont toujours là pour recevoir nos participants de QTR en spectacle. Tout à fait. Ensuite, pour l'instant, on reçoit Jean-François Veilleux, qui est un originaire de Kakuna et un passionné de la musique et des percussions. Bonjour Jean-François. Salut, bon matin. Bon matin. Donc, en fait, c'est ça, toi, t'es un batteur rock metal depuis près là, de de 12 ans, mais tu fais aussi des chansons a cappella. Oui, exactement. OK, donc c'est ça que tu vas faire à la prestation de jeudi prochain. Oui, deux pièces de deux époques différentes, en fait. OK, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, tout à fait. Premièrement, une pièce du 16e siècle, donc qui a été composée en 1589 et qui sonne un peu en vieux français. Et c'est une balade romantique que je vais dédier à toutes les femmes de la salle. Oh. Et puis l'autre pièce est tirée du folklore canadien, donc du 19e siècle, et une pièce qui s'intitule « La complainte de mon frère ». C'est à propos des patriotes et de leur révolte, et ça parle de liberté et d'indépendance. Et moi, je me demande pourquoi t'as choisi de faire ton numéro a cappella, qui en a envie, finalement, t'es plus un batteur que chanteur? Ben justement, de l'habitude, je suis plutôt caché en arrière. J'ai jamais été quelqu'un qui... Moi, je suis celui qui écrit les discours, plutôt celui qui les fait. Et donc, j'ai décidé de relever le défi en solo pour justement me dégêner et essayer de communiquer avec le public, de développer ça. En tout cas, c'est sûr que tu vas communiquer parce qu'il n'y a rien d'autre qui peut déranger la performance. Non, exactement, c'est ça. Tous les yeux vont être rivés sur moi, donc je me lance ce défi-là. Un gros défi. D'où est-ce que ça vient, ton amour pour la musique? Mon père est musicien, il est guitariste, ma mère est artiste aussi, donc depuis que je suis jeune, j'aime chanter, je sais pas pourquoi, peut-être j'ai été initié avec les chansons de Passe-partout, peut-être les jeux McDonald's aussi, là, j'ai des petits souvenirs comme ça, que j'ai toujours aimé la musique, puis j'ai étudié 5 ans au cégep de Drummondville en musique, c'est ce qui me permet finalement là, de chanter a cappella et de présenter ces deux pièces-là ce jeudi. Et tu dis, c'est ça, tu as étudié pendant 5 ans à Drummondville, mais juste avant l'entrevue, tu nous disais qu'il n'y avait pas grand monde qui savait que tu chantais. Est-ce que c'est parce que, justement, c'est la jeune qui disait que tu faisais plus en reculer des autres ou... Non, c'est juste parce que c'est plus un instrument secondaire. Donc, je joue de la batterie, des percussions, je joue du piano puis du clavecin aussi. J'ai joué de l'orgue aussi comme instrument secondaire. Puis j'aime beaucoup chanter dans des chorales. Fait que chanter en collectif, ça me va. Puis là, depuis quelques années, depuis un voyage en Europe, j'ai décidé de développer ça, de développer le répertoire traditionnel solo. Donc, finalement, t'as l'oreille musicale. Oui, exactement. J'imagine, jouer tous ces instruments. Parfait. Et je me demandais, justement, t'as fait un voyage en Europe, tu sais où t'es allé? En Normandie. En Normandie? Dans le fond, j'ai fini mon bac là-bas. Okay. Fait que j'ai fait 6 mois à Caen, en Normandie. Mm-hmm. C'est la première fois que je prenais l'avion puis que j'allais de l'autre côté. Donc, ça a été vraiment un réel plaisir. J'ai fait beaucoup de belles connaissances. J'ai joué de la musique avec du monde là-bas. J'ai traîné mes cuillères. Puis je me suis immiscé dans le monde du trad. De la Normandie. Après, c'est ça, dans le fond, tu étais vraiment là, au niveau de la musique traditionnelle, la francophonie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la relation que tu as avec justement la musique francophone? Oui, dans le fond, c'est une vieille langue. Hein? Le français à l'origine, ça date même d'avant l'an 1000, du temps de Charlemagne, en fait. Et puis, ce qui me fascine, c'est que ces chansons-là traversent le temps. Par exemple, à la Clairefontaine, c'est une chanson qui était chantée par les soldats de Champlain qui sont venus ici donc dès 1608. Et puis, cette chanson-là a donc plus que 4 siècles. Et ça me fascine qu'une chanson puisse traverser le temps, puisse encore avoir écho aujourd'hui dans nos esprits et que c'est des mélodies qui nous plaisent toujours. Et vu que le français, pour moi, est une des plus belles langues du monde, c'est pour ça que je tiens à la préserver et à la partager au maximum. Super. Oui, c'est excellent. Puis dans le fond, une dernière question. Oui. On sait que tu joues du piano également dans ta performance. Non. On s'est trompé. Excuse-moi, ouais, je me suis trompé. Non, c'est vraiment a cappella parce que moi, je joue pas de guitare non plus. Donc, je m'accompagne pas. J'ai décidé d'y aller solo. Il y en a qui disent que c'est plus difficile, mais moi, justement, je trouve ça plus facile parce que si je fausse, ça paraît pas parce qu'il y a juste moi qui chante. Donc, je peux pas détonner, je peux pas être à côté de la note. Ça doit être parce que je trouvais que t'avais l'air d'un pianiste, tout ça. Et c'est pour ça que j'ai dit ça. Mais... Ouais, mais là, c'est ça, juste la voix. Super. Ouais, merci beaucoup, Jean-François. Fait plaisir. Fait qu'on retourne en musique. Eh oui, merci à vous deux, Laurence et Raphaël. Ça on écoute plaisir. Une pièce. Est-ce qu'on a un autre participant plus tard? Non. Non, c'est pas, on pense pas en aujourd'hui, fait, il est pas encore arrivé. Donc je vais vous remercier pour vrai. Alors, Laurence Gagné et Raphaël Pépin de l'épreuve d'émission culturelle des Jeux de la Com 2015 qui nous présentaient les participants du QTR en spectacle 2015. Oui. Merci à toi. Merci. Jeudi prochain. Jeudi. 19h. Oui. C'est théâtre du Cégep. Voilà, et on va en reparler jeudi à l'émission une dernière fois. Oui. Exact. Merci beaucoup. Merci à toi. Puis je pense qu'on pourrait même rajouter une petite plug pour Jean-François Veilleux qui fait une chronique dans l'émission du Dîner de con sur l'heure du midi. Oui, demain. Oui, les mardis. Demain de midi et demi à 13h. Émission sur la politique, sur les trucs québécois. Oui, c'est une chronique qui s'appelle 30 minutes pour l'indépendance au Dîner de con. c'est les mardis. Donc on se quitte en musique avec Amor Blitz tout de suite au 89 FM. C'est fou, c'est Assemblage Rock. C'est Kilimanjaro à Assemblage Rookie. On va prendre la pause tout de suite pour avoir plus de temps pour David Ferron et sa chronique Les Notes Salées et un nouveau personnage de la famille de Marie Melon. Restez à l'écoute ou encore faites tout pour ne pas rester à l'écoute. Fou de spectacle. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Assemblage Rookie est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Toujours à Assemblage Rookie, en ce lundi 16 février 2015, c'est Stéphanie Paradis. Louis et Mathieu Blanc. Maintenant, c'est le moment d'accueillir David Ferron, mais je pense qu'il y a l'air d'accueillir David Ferron. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, David Ferron. Qu'est-ce qu'il y a, David Ferron, en ce moment? On dirait que l'air sent pas pareil. Non, en fait, c'est que Marie Melon a décidé d'aller se trouver un nouvel ami. OK. Et là, elle a eu deux choix. Soit Muguette l'ornithorynque. Muguette ou Huguette? Muguette. Muguette, OK, j'ai jamais rarement entendu ça. Ouais. Et oui, Muguette l'ornithorynque, mais sauf qu'en constatant qu'au lieu des lèvres, c'est une paire de plywood dans la bouche, mais elle s'est dit, ben, on va laisser faire. Ah, ben raison, ouais. Et sinon, elle a jeté son dévolu sur Gilbert l'ourson. Et là, Gilbert l'ourson. Non, c'est Gilbert l'ourson. Il est effrayant, Gilbert l'ourson. Ah, non, Gilbert! Non, Gilbert, s'il te plaît, chante pas du Cher. Do you believe in love after love? Je suis Gilbert, le méchant nounours. Non, Gilbert, Oh, ok, wow. Ok, lâche la scie. Ok, bon, hier, ok. Hein? Pauvre David, pauvre toute la... Il est pas mort? Non, je sais pas. Il me manque un bras. Ah, il te manque un bras, qui est ça? Ah, juste ça? Le mime, là. Ben là, c'est genre... Ça a pris du temps à couper ça, ce bras-là. Ouais, mais c'est un ours. Ton bras? Non, l'ours, ok. Pourquoi, il est pas habile avec... Ben, c'est la juste... La chaîne, ça? Ouais, c'est parce qu'en fait, c'est un mini-ourson. Ah, ok. Ah, c'est oui, pas oui, un ourson, oui. C'est un ourson. Ok, un ourson. Ah, oui. Ah, ouais. Ok. C'est les notes salées? Oui. Ok. Parce que là, avant que Gilbert... Avant que Gilbert aille toute ma peau au complet. Ok, c'est les notes Et salées? Et pourtant, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir mangé. Ah, yes! Avant de les avoir coupé le bras. C'est ça. C'est les notes salées? Oui. C'est les notes salées avec David Ferron. Ce qu'il en reste, en tout cas, de David Ferron. Pas son bras est repoussé. Ça, oublie pas que ah oui, le bras en arrière. Ton bras. Mais là en arrière dans ton dos. Ok. T'as créé un précédent, David Ferron. Ton bras n'existe plus pour le reste de ta carrière radiophonique. Pour vrai? Ben, du moins, à assemblage requis. C'est ça, oui. Ok. Au pas mal, du monde, on te demande jamais si t'as des bras. De toute façon, on va pas te voir physiquement. T'sais. Non. Non. Donc. Parce qu'ici, tout le monde te voit. Sur la caméra 3. Et le micro magique. Donc, je sais pas si on reparle de l'ourson. Moi, je pense qu'on abandonne ça comme si j'avais jamais. Je pense qu'on a jamais été témoin de ça. Tu t'es inspiré de Gilbert Rozon, ça? Non, je sais que des fois, Gilbert peut être très incisif quand Lequel? Il parle. Gilbert Rozon. Okay. Des fois, il peut être très incisif et avoir des coups de griffe, mais non, c'est pas inspiré de Gilbert Rozon. Tout ça est basé sur des personnages fictifs. Toute ressemblance n'est que fortuite. Ouais, c'est ça qui arrive quand on mange trop de brownies le nez dans la neige. C'est le mais c'est l'idée de mettre du pot dedans aussi. Ah, ouais. Donc, c'est quoi ton sujet aujourd'hui, David Ferron, dis-moi donc? En fait, c'est très simple, c'est que je vais faire comme les Simpsons, c'est-à-dire que ma prémisse aura aucun rapport avec le reste. Ok, c'est bon ça. C'est bon. Donc, je préfère vous avertir, en fait, c'est parti d'un événement qui a survenu la semaine dernière. Okay. C'est-à-dire le décès de Steve Strange, qui est le leader, qui est en fait un membre du groupe Visage, responsable du hit Fade to Grey, que j'ai pas parce que je veux épargner vos oreilles. Merci. C'est qu'en fait, Fade to Grey, c'est une chanson fer de lance de ce qu'on appelle le nouveau romantisme. C'est quoi ça, le nouveau romantisme? C'est qu'en fait, c'est un courant qui est apparu en Angleterre à la fin des années 70 et qui émerge de clubs londoniens fréquentés par des étudiants en art. Et ces étudiants portent des vêtements féminins et un maquillage très, très, disons, pas très subtil. OK. Donc, dans ta face, littéralement. Oui, exactement. Ouais. Donc, dans ta face! Et au niveau du look, donc on s'inspire beaucoup de David Bowie époque Ziggy Stardust. Mm. Au niveau musical, comme on souhaite se détacher de la mode punk qui sévissait au Royaume-Uni à cette époque-là, la musique électronique était une source d'inspiration, donc par exemple des groupes de musique électronique comme Kraftwerk. Mm. En fait, le mouvement du nouveau romantisme devient de plus en plus populaire et s'inspire les designers de mode et les musiciens. Et ainsi vont apparaître ces musiciens provocateurs d'un ébola musical pour les tympans. David, trop tôt! Mais quand même, j'avais pas le choix de m'exprimer là-dessus. Mais quand là, c'est trop tôt? Tout. Ben, surtout quand je dis Duran, et pire, les Spendo Ballet. Les Spendo? Ballet. Okay. Et ça, c'est une toune qui joue. Ils ont une de leurs tounes. Je me rappelle plus c'est quoi le titre. En fait, je veux même pas m'en rappeler, mais c'est tellement quétain. Quétain assumé au moins. Non. Même pas. Ils savent pas que son quétain, c'est encore pire. Je préfère penser à rien et penser à des oiseaux qui parcourent les palmiers que de penser à une toune des Spendo Ballet. Okay. Pense pas à un ourson, parce que sinon, il va revenir. Attention. Coup de pied. Tu peux le menacer à jamais maintenant avec le son de chien. Le bras en arrière. OK. Ah oui, c'est vrai. Je t'ai amputé à cause d'une chaîne. Ça, méchante. T'es donc bien un mauvais acteur. En improvisation 101, là, quand tu établis quelque chose, il faut que tu le gardes tout le long. OK. C'est ça. Sauf si t'es un lézard. Les labouros peuvent repousser. Oui, c'est ça. Et on l'entend justement pousser dans le micro magique. Donc, David est un lézard. Ah! Non, ça pousse pas vite. Là. OK. D'ici 3 semaines, ça devrait être correct. OK. D'ici 3 semaines, on devrait avoir une Marie Melon numéro 2 avec des petites mains qui poussent. Mais juste d'un bord, en dessous des aisselles. C'est ça. Comme Marie Melon, on rappelle à des petites mains de ses seins. Non, ça n'a pas poussé encore. OK. Ça n'a pas poussé encore. Ah, ouais, il n'y en a rien. David est mauvais acteur. OK. Une chance que notre caméra 3 est seulement pour les gens qui ont payé un forfait mensuel. Ah, c'est fou, je sais pas. C'est qui paierait pour ça? Donc, pour revenir à ma chronique, je parlais donc du nouveau romantisme, cette espèce de courant et mode des années 70 en Grande-Bretagne. Donc, on avait parlé des Spandau Ballet, qui est un groupe très quétaine. Mm-hmm. Mais heureusement, il y a des groupes comme Depeche Mode et Eurythmics qui sont des fiers héritiers, mais pas tout à fait directement du nouveau romantisme, mais qui ont des influences comme le côté androgyne, le côté électro aussi. Ouais. Donc, à la même époque où émerge le new romantisme, une chanteuse écorchée vive renaît de ses cendres et c'est Marianne Faithfull. Cette fidèle égérie du slogan « Sex, drugs and rock'n'roll ». Tu sais, mettons qu'on devait taguer « Sex, drugs and rock'n'roll » Marianne Faithfull. Okay. C'est carrément une égérie de ces trois mots-là. Mettons, tu vois ça sur SoundCloud ou Bandcamp, cherche Marianne Faithfull, il y a ces mots-clés-là qui sortent en dessous. Exactement, c'est relié. D'accord. En fait, Madame Faithfull, c'est l'ex de Mick Jagger et c'est en fait, selon la légende, Marianne Faithfull, en fait, l'ex de Marianne Faithfull à la fin des années 60, ça serait probablement lui qui serait impliqué dans la surdose accidentelle de Jim Morrison. Ah! Donc, l'ex de Marianne Faithfull aurait vendu la dose qui fait en sorte que Jim Morrison aurait fait une surdose accidentelle. Oui. Donc, il y a toute cette espèce de passé-là qui la hante. Et là, en 79, après quelques années d'échecs, d'itinérance et de problèmes personnels, sort ce qui est considéré comme son chef-d'œuvre, Broken English. Et pourquoi je vous parle de cet album-là? Parce que d'abord, à la fin des années 70, il n'y a pas juste la New Wave, il n'y a pas juste le punk, mais c'est qu'en fait, Marianne Faithfull, dans son album Broken English, c'est que justement, elle chevauche ces deux styles-là, parce que le punk va venir avant la New Wave. La New Wave, c'est pour être contre le punk. Okay. Donc, elle intègre les deux parfaitement dans son album. Et en plus, Faithfull a rompu complètement avec son passé qui était plus chanteuse folk que country. Donc, c'est vraiment une rupture. Et aussi, la voix de Marianne Faithfull démontre que l'époque des enfants terribles du rock'n'roll des années 1960 a laissé des traces pas trop jojo. Et que l'innocence de ces années ne peut que laisser place à la dureté de la maturité émergente. Ça mérite un bras de robot. Pour te remplacer celui que t'as perdu, je Non. Moi, j'ai pas ça stock, on a pas ça. Peut-être dans le backstore. Bon. Tu aurais peut-être une jambe. Ouais. Si tu veux avec. Ok. Donc. T'es en train de mimer une jambe qui sortait du bras, genre? J'ai essayé, mais je sais pas. Ça marche pas. Oh, t'es pas assez souple. Non. Souple au lait. Souple au lait. Oui. Nourri au grain. Donc, pour Faithfull, donc là, on disait comme quoi l'album Broken English, ça marquait justement une rupture avec les années rock'n'roll des années 60, début des années 70. Et pour Faithfull, comme je l'ai dit, c'est que pendant des années, elle devient, elle sombre dans l'itinérance et elle était vraiment dépendante de la drogue quand elle a enregistré Broken English. Et justement, la chanson Broken English, c'est bien de son temps parce que à cette époque-là, à la fin des années 70, c'est la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis. Donc, pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi l'URSS, c'est la Russie et d'autres pays annexés. C'était avant que ça change de nom, peut-être ça. Ouais, exactement. Donc, l'URSS, c'est ça. Donc, pour faire une histoire courte. Et en fait, la tune Broken English, ça fait référence à Ulrike Menhoff, qui est une militante d'extrême gauche, membre fondatrice de la guérilla urbaine Fraction Armée Rouge, qui s'oppose notamment au capitalisme en commettant des actes terroristes. Par exemple, en faisant sauter un ordinateur américain en Allemagne. Donc, avant d'écouter la chanson Broken English, on va entendre un extrait de Reason to Believe, qui est tiré de l'album de Marianne Faithfull, qui est sorti en 67, donc 12 ans avant Broken English, qui s'appelle Love in a Mist. Et vous allez voir la différence. Là, on va écouter d'abord Reason to Believe, puis ben, en fait, Reason to Believe, c'est juste un extrait qu'on va entendre d'à peu près 15-20 secondes, à peu près. Okay. Et là, après ça, on va écouter Broken English, mais c'est juste pour entendre la différence au niveau vocal. On débute avec Reason to Believe. If I listen long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you lie straight-faced while I cry. Et maintenant, Broken English. Ouais. C'est les notes salées avec David Pierre. Yeah. Yeah. Broken English avec la voix brisée de et quand même envoûtante de Marianne Faithfull. Tiré de l'album du même nom, Broken English, qui est sorti en 79. Et pour ceux qui regardent notre version payante mensuelle, c'est pas vrai, c'est tout, c'est pas vrai. Sur la caméra 3, on voit David Ferron qui a réussi à remettre ses écouteurs avec un seul bras parce qu'il a perdu son bras en début de chronique, pour ceux qui suivent. Mais il l'a pas perdu, c'est l'effet de voler. C'est fait voler, t'as raison, t'as raison. Ici, il est où? Est-ce que tu penses que Gilbert arrête de manger ton bras? Je suis sûr, Stéphanie, que t'as comploté pour que Gilbert mange mon bras. Rapport, je le connaissais même pas avant matin. Ouais. Dis tout ça. Merde, donc. En tout cas. C'est-tu des accusations? Pourquoi est-ce que je suis tout impliqué dans ces affaires-là? Donc, David, on a le temps pour ta deuxième pièce que tu voulais nous faire entendre. Parle-nous un petit peu de ce qu'on va écouter tous ensemble. Ben oui, c'est la nouvelle chanson de Florence and the Machine. T'en parles souvent de ça, Florence and the Machine, ici. Oui, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait jouer ça. T'as raison. Tu mentionnes le nom, mais tu l'as fait pas jouer. Ouais, c'est vrai, mais pourquoi? Je sais pas. Ouais, parce que souvent, je parle d'une autre chanteuse. Parce que c'est pas une vraie toune! Outrage! Non, en fait, c'est un personnage inventé. C'est Florence and the Machine, ça existait pas. Là, t'en parles pour te rendre intéressant, genre. T'sais. Exactement. Ouais. Tu sais, cette chanteuse underground depuis 1969 et qui renaît de ses cendres. Ouais. Et qui sort un vinyle de ses vieilles tunes remixées par le DJ. Tu sais, le DJ qui vient de Munich et qui a émigré à Saint-Glinglin-des-Meux et qui fait des beaux remixes de Normand Lamour. Là, je dois pas retenir tout ça parce que c'est pas nécessairement vrai, c'est ça? Exactement. Okay, c'est bon. Ça, c'est encore mes brownies. Ok, les brownies spéciaux. Oui. Ouais. Au FinCEN. Donc, Florence and the Machine. Oui, parce que cette semaine, elle a sorti une nouvelle chanson qui va paraître dans son album qui va sortir dans trop loin une éternité, c'est-à-dire au mois de juin. Yo, c'est loin ça. Quand c'est Florence and the Machine, c'est une éternité. Quand c'est Madonna. Ça va, ça pourrait être juillet, ça pourrait être mois d'août. Mais tu sais, Florence and the Machine, là, c'est comme compter les dodos, là. OK. C'est compter les minutes, regarder le sablier, devenir fou, arracher les cheveux. Mais en attendant, on peut se délecter d'une pièce de son album à paraître, c'est-à-dire How Big, How Blue and How Beautiful, et la pièce s'appelle What Kind of Man. On écoute ça à Assemblage Requis, c'est des notes salées. I was on a heavy tip, trying to cross a canyon. With a broken limb, you were on the other side, like always, wondering what to do with life. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side, like always, you could never make your mind. And with one kiss, you inspired a fire of devotion that lasts for 20 years. What kind of man loves like this? Oh, c'était la pièce What Kind of Man, tirée de l'album futur de Florence and the Machine, appelé How Big, How Blue, How Beautiful, qui va sortir au mois de juin seulement. Bah, c'est loin, mais c'est ça va loin. C'est loin, t'es bien agace. Ouais. C'est loin. Ben, c'est pas de notre faute, c'est sa faute, c'est agace. Ben, c'est toi qui as fait jouer, ça. Ben, je le sais, mais faut vous la montrer pour montrer à quel point c'est une excellente toune. C'est exact. Effectivement, c'est vrai que c'était très, très bon. J'ai adoré ça. Ouais, très bon. Parce que moi, j'aime son côté rock, mais à la fois, elle a un côté comme très baroque, très courage. Je trippe vraiment sur sa voix, puis son côté rugueux à la fois. Ouf. Ben, c'est ça, elle est baroque. Mais très R-O-C-K. Wow. Ouais, ouais. Donc, Florence and the Machine et David Ferron se retrouvent les jeudis soir à 16h, c'est en après-midi, ça? Oui. Avec Palmarès du Monde, n'est-ce pas? Exactement. Soyez-y, donc, les jeudis, 16h sur C'est Fou. Yay! Merci, David Ferron. Et après ça, on peut entendre le jeudi à 17h le Mathieu Plante Show. Yay! Yeah. Et si jamais vous êtes un geek ou une geekette en vous, écoutez Mathieu. Merci, ça, David. Tellement nourrir l'orgue geek ou geekette en vous. T'es fin, t'es fin. Puis on se retrouve la semaine prochaine, lundi à 8h30 pour une autre chronique Les Notes Salées. Oui. Good. Je vais essayer de me trouver un bras en attendant. Ouais, c'est ça, fais attention. Non, pas l'autre, pas l'autre. Il y a plus de bras du tout. David a perdu ses deux bras. Comédie, comédie. On va transitionner très, très subtilement. Voici son foutu palmarès. Foutu palmarès, ça c'est la chronique dans laquelle on établit une liste sur un sujet précis. Et aujourd'hui, Steph, j'avais juste envie de faire des petites listes bien faciles sur la Saint-Valentin parce qu'on n'a pas parlé. T'sais. Ok. Je me sentais mal de ne pas en avoir parlé. Il y a d'autres affaires que je me sens mal de pas en avoir parlé. Okay. Mais je fais exprès pour pas en parler parce que je trouve ça trop malaisant. Mais j'en parle pas. Tu comprends ce que je veux dire? Donc la Saint-Valentin, ça me perturbe juste assez pour que je puisse au moins aborder le sujet. C'est selon Mental Floss. David fait juste pas de bruit que c'est clé. Non, du tout. Ben non. Il a sa clé dans la bouche avec l'USB, puis là il se parle, il n'y a pas de bras, je sais pas ce qu'il fait. C'est parce que pour ceux qui ont écouté les notes salées tantôt, il a perdu ses deux bras à cause d'un ourson nommé Gilbert l'ourson. Une référence probablement à Gilbert Ozon. Ou l'ozon, ou pire. L'ozon. Pire, hein? Et lequel est le pire, je sais pas. Mais donc là, il est en train de ramasser ses clés sans ses bras, malheureusement. Je pense pas qu'il va se rendre, avec ses pieds peut-être. On va regarder ça tout le long. Regardez ça. Mes pieds, là, il tourne un petit peu sur lui-même. On dirait qu'il a été attaché à sa chaise avec des cordes. Mais non, il a pas été attaché avec des cordes, bien sûr. C'est juste l'apparence qui donne ça. Moi, je dirais, enlève tes souliers et vas-y avec tes orteils, plus. Donc, on est sur la liste de faits par rapport aux célibataires américains. OK. Donc, pour ceux qui étaient seuls à la Saint-Valentin, j'en fais partie, on veut savoir... des choses sur les autres célibataires. On veut savoir qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Hein? Donc, chez Match.com, on a partagé les résultats de leur cinquième étude à Singles in America avec 5675 agents libres de l'amour, si on veut. Donc, c'est des faits par rapport à ça. 74% des femmes croient que c'est correct de sortir avec plus qu'une personne à la fois. 74% des femmes. Yeah! Au début, évidemment, à un moment donné, tu finis par te concentrer sur une seule personne, j'imagine. Ensuite, 97% des femmes croient qu'un sens de l'humour est tout aussi important que l'attirance physique. Et 90% des hommes sont d'accord. Ça se tient, ça? Non. Le sens de l'humour est tout aussi important que l'attirance physique, non? 97% des femmes, 90% des hommes sont d'accord. Ensuite, 51% des célibataires admettent avoir recherché, donc espionné, leur rendez-vous potentiel sur Facebook. Et 49% ment. Ou oh, pas Facebook. C'est ça. 54% des femmes célibataires versus 36% des hommes sont un petit peu repoussés par les mauvaises épellations, la grammaire incorrecte dans les messages textes. Oh que oui. Je suis tout à fait d'accord avec oh ça aussi. Oh que oui. Un petit AR ou accent aigu sur un mot, ça fait toute la différence. On s'entend, mettons que t'es sur un site de rencontre, tu lis un profil, puis que c'est bourré de fautes, mais pas des petites fautes d'accord qui fait que... Ça, c'est pas grave, mais quand c'est des fautes qui fait que t'as de la misère à comprendre ouais. la phrase, et ça arrive plus souvent qu'on pense. Tellement. Des fautes de base. Ça, là, non. 37% des célibataires disent que les emojis, donc les émoticônes, font que c'est plus facile pour eux d'exprimer leurs sentiments. L'emoji le plus populaire est le clin d'œil. 53% des célibataires l'ont utilisé dans leur profil match.com. Donc, petit clin d'œil. Les utilisateurs d'emoji, d'ailleurs, ont deux fois plus de chances que les non-utilisateurs d'emoji de vouloir se marier, selon l'étude. 62% versus 30%. Weird. Ça, c'est un peu n'importe quoi. 91% des hommes et 90% des femmes voteraient pour un président célibataire américain. Ben hein? Oui, qu'est-ce que ça peut bien faire? Ben exactement, qu'est-ce que ça peut bien faire? Mais j'imagine que la première dame a bien à voir avec le vote. Si les gens aiment la première dame... Ça engagerait un escort. Exact. 95% des femmes et 87% des hommes voteraient pour une présidente. Ben j'espère. C'est sûr. 89% des célibataires croient que tu peux rester marié à la même personne jusqu'à ce que la mort vous sépare. 89%. 89? C'est beaucoup, hein? Ça doit pas être au Québec, ça. Non. 50% des célibataires croient qu'avoir que boire un café ensemble, c'est le meilleur premier rendez-vous. C'est vrai. Ouais. En fait, la phrase est 50% des célibataires croient que boire un café ensemble est... Attends un peu. Considère que c'est un rendez-vous officiellement. Ben oui. C'est ça. Ben oui, c'est le meilleur rendez-vous, je l'ai mal lu. On va se prendre un café. Ben oui, on va se prendre un café, c'est un rendez-vous, c'est clair. Ben oui. C'est clair. 90% des femmes veulent plus d'espace personnel, donc ils veulent avoir du temps pour elles et faire leurs propres activités. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, on les laisse dans leur bulle un peu. Alors que 78% des hommes pensent la même chose, ont besoin de plus d'espace pour eux-mêmes dans la... Je pensais que ça serait vraiment l'inverse. Oui, vraiment, moi aussi. Les femmes ont besoin, en tout cas, typiquement, stéréotypiquement parlant, peut-être ont plus tendance à s'accaparer leur... Oui, les hommes avoir un peu plus d'indépendance. Un petit peu plus. Mmh. Mais ça, c'est ça. C'est un stéréotype. 63% des femmes ne sortiraient pas avec quelqu'un qui a beaucoup de dettes. Ah, ben je peux comprendre. Moi, je peux comprendre ça aussi. Les célibataires ont des opinions et veulent des partenaires... Ouais, mais t'as peu, là. Vas-y. Tu rencontres quelqu'un d'une date, ouais, tu parles pas de son compte en banque. Ça va être long avant que t'en parles, même. Mais c'est ça. Non. Même, honnêtement, c'est pas... Même dans là, je suis avec quelqu'un, ouais. On s'entend, ça fait 6 ans et demi, on parle pas tant de... Tu sais, on paye nos comptes, on a chacun nos finances, puis rendu là. Moi, tant que les deux, on paye les comptes, je vois pas y'a eu le problème. T'as bien raison. Ben d'accord avec toi. Rendu là, hey. Ben d'accord, juge-moi pas. Les célibataires ont des opinions, ils veulent un partenaire qui ont aussi des opinions. 75% des célibataires veulent un rendez-vous, hein, avec une personne qui a une opinion sur les événements de l'actualité domestique ou étrangère. Donc, faut avoir une opinion sur quelque chose. 75% des célibataires disent ça. Ensuite, les hommes célibataires qui font du yoga ont eu plus de partenaires sexuels que ceux qui font d'autres types d'exercices. En moyenne, une moyenne de 17 partenaires dans le groupe des 20 à 50 ans, alors que la moyenne est de 10 partenaires. Ah! Eh bien, hein? 72% des célibataires n'aiment pas un rendez-vous dont avec qui, mettons que ton téléphone cellulaire est tout le temps collé sur toi, là. Mettons tout le temps dans ta main pendant un rendez-vous. 72% des célibataires trouvent ça vraiment gossant, quelqu'un qui a tout le temps son téléphone. Juste 72, parce que le 28% qui reste a aussi le téléphone dans les mains, c'est ça, c'est clair. Exactement. 33% des femmes ne s'attendent pas à emménager avec un partenaire avant d'avoir sorti ensemble pendant au moins 1 à 2 années. 34% des hommes sont prêts à cohabiter après 6 à 12 mois. Donc, ça a pris 6 mois, même pas. 6 mois? Ah, gros max. Ouais, je pense que ouais, moi aussi, ça a pris ça à peu près. Des fois, c'est plus pratique d'être dans le même appartement. Ben, c'est moins cher. Moi, non, mais c'est ça. Ouais. Tu sauves des sous, puis on s'entend que, admettons que t'es déjà tout le temps chez l'autre. C'est ça. Ben, d'accord. Donc, c'est selon Match.com et le site SinglesInAmerica.com et MentalFloss.com. Cette petite liste sur les célibataires américains, on va faire rapidement. Ben oui. Très, très, très rapidement. Tant qu'à parler de Saint-Valentin, on va pas sauter à d'autres choses parce que la Saint-Valentin, à un moment donné, ça sera plus approprié. Non. Donc, c'est Gift Cloud qui nous construit un petit guide sur les variétés de façons de montrer son amour dans d'autres pays. Donc, on va y aller rapidement, à part le chocolat, mettons. Les cuillères de l'amour. Les cuillères de l'amour. Ça commence très bien avec un mot que j'arrive pas à traduire moi-même. Welsh. On avait un mot pour ça, attention. Ça commence très bien. Gallois, chez les Gallois. Les Welsh Love Spoon, c'était des cuillères en bois gossées, faites avec amour par un jeune homme pour la femme qu'il aime. La tradition date de plusieurs centaines d'années. En 1667, il y en a une qui est montrée dans le musée Welsh Folk Museum de Cardiff. Ensuite, au Japon, c'est le Honmei Shoko. Au Japon, les femmes vont donner différents types de chocolat pour signifier différentes relations. Honmei Shoko est le chocolat du vrai sentiment, donc de la haute qualité, donné à l'amour vrai, alors que Jiri Shoko est donné à un homme, alors qu'il n'y a pas de connexion romantique, comme un ami de gars, un patron, un collègue. Le Shogiri Shoko est un chocolat de la pitié, donné à un homme envers qui la femme a de la sympathie, donc disons que de la pitié, pour moi, ça c'est un peu malaise. Au Danemark, c'est le Geikebrev. Donc, traduit, on pourrait dire que c'est des lettres de blague, si on veut. Donc, Geikebrev, c'est beaucoup plus romantique quand même. Ça date du 18e siècle. Les femmes écrivaient des poèmes ou des rimes et découpaient des patterns, des formes dans le papier sur lequel on écrivait ces phrases-là. Le seul indice par rapport à qui avait envoyé ce cadeau-là, c'est une signature avec des points pour chaque lettre du nom de l'homme. Donc, si la femme chanceuse devinait qu'il l'avait envoyé, elle recevait un œuf à Pâques. Mais si elle devinait incorrectement, elle devait acheter au pauvre homme un œuf de Pâques à la place. Ils sont rendus loin avec Pâques, là, quand même. C'est bizarre. La loterie d'amour en France, c'est une tradition pas si romantique. Une loterie d'amour, donc, c'est un homme qui criait par la fenêtre des maisons de l'autre côté de la rue jusqu'à ce que tout le monde soit finalement matché. Hein? Donc il criait par les fenêtres des maisons de l'autre côté jusqu'à ce que tout le monde soit matché. Si l'homme était moins qu'impressionné par la femme à qui il criait, donc il allait simplement la laisser pour une autre femme. Ensuite, les femmes qui n'étaient pas matchées se faisaient un gros feu et brûlaient les images d'hommes qu'ils avaient blessés, dans le passé. La tradition a été bannie à cause du feu. C'est bien bizarre. En Angleterre, dans les années 1700, les femmes anglaises mettaient 4 à 5 feuilles, des feuilles de bay leaf, je sais pas ce que c'est, des feuilles, sur leur oreiller, traditionnellement sur les 4 coins de l'oreiller, et ensuite une dans le milieu, pour attirer les beaux rêves de leur futur mari, alors qu'ils dormaient. Aux Philippines, les mariages de masse. En 2012, plus de 2000 couples se sont mariés ou ont renouvelé leur souhait de leur vœu de mariage à la Saint-Valentin pour célébrer leur amour. 4000 mariages ensuite en 2013 et un autre 4000 en 2014. On ne sait pas s'il reste encore des couples à marier dans le futur. En Finlande, Lista van Päivä, ou la journée des amis. C'est une journée pour se souvenir de ses amis et non pas de ses amours. Donc une belle destination pour les gens qui ne sont pas en couple. Voilà. En Corée du Sud, le Jajangmyeon. En Corée du Sud, donc, on a une tradition similaire aux Japonais. Les gens qui sont célibataires vont célébrer leur indépendance avec le Jajangmyeon. C'est un plat de nouilles blanches avec une sauce aux fèves noires, ou donc des nouilles noires. Les couples mariés se moquent de ce plat-là, oui. C'est ça, ils disent que c'est comme un plat de la mort, genre comme un peu comme quand quelqu'un est mort, tu vas manger ça. Est-ce que tu veux revenir sur bay leaves? S'il te plaît. J'étais pas certaine, j'allais voir des photos, mais ça me donnait pas la traduction, mais c'est des feuilles de laurier. De laurier. Oui, c'est ça. Génial, merci. C'est comme un César. Oui, c'est ça. C'est ça. En Allemagne, les cochons maintenant. La célébration allemande est quand même assez traditionnelle avec le reste de l'Europe. Plusieurs cadeaux de Saint-Valentin vont mettre en vedette un petit cochon. Donc, c'est un symbole de chance et de désir en Allemagne. Le cochon. Le cochon. OK. Et finalement, à Taïwan, les roses, faites attention au nombre de fleurs que vous donnez à une fille à Taïwan. Une seule rose est un geste romantique, bien évidemment, mais 99 roses veut dire pour toujours. Un bouquet de 108 roses, c'est une proposition, une demande en mariage. Ben, regarde, les chances que tu n'achètes 108 sans faire exprès sont... Ouais, sont minces. Et ça va te dépocher sur un méchant temps. Ben, après ça, quand la demande va avoir été acceptée, là aussi, tu vas te dépocher, mais une autre sorte de dépochage. Hein? Ça, on l'apprend. Donc, c'est selon Gift Cloud. Cette petite liste de traditions de la Saint-Valentin partout dans le monde. Voilà. C'est tout pour son foutu palmarès. On va être dû pour une pause parce que juste après, ça va être enfin la chronique sa plus simple expression avec Stéphanie Paradis. Youpidou, laïdou, laïdou, laïdou, laïdou, laïdou. Assemblage requis, right through. Qu'est-ce que tu veux mettre dans mon trou? Je parle de... Hein? Malaise! Fou de midi divertissant. À Trois-Rivières. Rivière, c'est le 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous écoutez Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées, en ce lundi 16 février 2015. Elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Et enfin, nous sommes arrivés au moment qu'on attendait depuis le début de l'émission, c'est-à-dire de savoir pourquoi on dit des affaires. Voilà. Comme mettons l'émission matinale en pièces détachées. Veux-tu même dire qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. On sait pas, ça veut rien dire. Voici sa plus simple expression. Plus simple expression, tout simplement la chronique dans laquelle on essaie de comprendre pourquoi on dit ça, hein? Parce que des fois, il y a des expressions, si on prend les mots un à un, ça veut pas dire grand-chose. Non, c'est tout simplement ça. Simplement vous, simplement belle, Covergirl. Ah ouais? Ouais. OK. On commence avec une première expression dès maintenant. On est toujours dans le puisard du hasard. De... c'est ça, c'est la loterie c'est chanceuse. C'est les restants. Les restants. Il n'y a pas de catégorie, en fait, là, fait que ça change pas grand-chose pour vous sur les restants ou les catégories. Donc, on commence tout de suite avec « cela coulait douce ». C'est une mauvaise prononciation. C'est plutôt « cela coulait d'ours ». La coulée d'ours. OK. C'est une référence à la chronique de David Ferron où il s'est fait enlever les bras par Gilbert l'ourson. Mais il savait pas, mais c'était un gag qui prévoyait ça, genre. Dans le passé, on savait. C'est comme la prophétie de Gilbert l'ourson. OK. La prophétie dans le temps. Mais en fait, c'est la coulée douce, c'est vivre sans souci et sans effort. Le contraire de David Ferron. C'est ça, c'est pas vraiment arrivé à David Ferron, étant donné qu'il n'y a plus de bras, malheureusement. Si vous étiez pas là, vous avez manqué quelque chose. Ouais, Seigneur. Donc, on dit que si la bière coule parfois à flot et l'eau s'écoule des montagnes, les verbes couler et s'écouler ne s'appliquent pas qu'au liquide. Ils ont aussi une acception temporelle, puisque depuis le 15e siècle, on dit que le temps s'écoule et depuis le 17e siècle, on parle de couler des jours heureux. Moi, je dis le temps c'est cool. Oui, le temps c'est cool. Le temps c'est cool. Le temps c'est cool. Ouais. Ainsi, une vie est bien du temps qui passe, qui s'écoule. Or, il se trouve que notre expression apparue au 19e siècle, quand même plusieurs années après, est simplement une forme elliptique de couler une vie douce, philosophie que nos amis italiens ont exprimée sous la forme la dolce vita, tout ben simplement. Oui. Donc, quand au qualificatif doux appliqué à une vie vécue sans souci et menée sans effort, il vient bien sûr en opposition à la vie dure que mènent les travailleurs qui triment pour subvenir à leurs besoins. Ensuite, pour ta gouverne. Pour ta gouverne. Mm-hmm. Ouais. Pour ta goût. Pour ta goût. Pour ta goût. Ça, quand c'est quelque chose est vraiment bon, ça te porte à goûter, tu sais. OK. C'est ça. Puis Verne pour Jules Verne. Donc, c'est dans le temps qu'il y avait un grand appétit, Jules Verne. Hein? OK, je pensais que c'était pour ceux qui voulaient goûter à Jules Verne. Pour ceux qui veulent, c'est les deux. C'est les deux en même temps. D'accord. C'est ça. En fait, pour ta gouverne, c'est pour t'apprendre à te conduire dans une circonstance, une situation, ou par extension, pour t'informer. Donc, comme on va dire beaucoup pour ton information, oui. Pour ta gouverne, c'est la même chose. Donc, lorsqu'on voit le mot gouverne, on pense inévitablement à d'autres comme gouvernement ou gouvernail, qui désignent des entités ou des choses qui guident, qui dirigent. Eh bien, on a raison. Alors, faut pas aller chercher plus loin que ça. Donc, ce mot apparaît au 12e siècle comme déverbal de gouverner, avec des sens comme action de gouverner, gouvernement, conduite. C'est au 18e siècle qu'il prend le sens de ce qui doit servir de règle de conduite. Et c'est un siècle plus tard que notre expression apparaît avec la première signification indiquée, généralement employée pour introduire une phrase qui va contenir une explication sur la conduite à tenir dans une situation à laquelle la personne destinatrice du conseil va être confrontée à court terme. Donc, ce conseil, cette explication n'étant souvent qu'une simple information, par exemple, telle personne sera présente. Donc, c'est tout naturellement que le sens a glissé vers la seconde signification indiquée. Ensuite, être sur la corde raide. Ça, c'est une affaire de musique, je crois. Okay. Donc, c'est l'accord, comme un accord de guitare, mettons. Ouais. De Red. C'est une sorte, t'as Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, mais t'as aussi une note plus... moins utilisé, je dirais, le Red. Donc, c'est l'accord de Red. C'est pas Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. C'est ça, mais il y a entre les deux. OK, c'est comme un Ré bémol. Un mash-up. Un Si dièse. C'est exact. C'est l'accord de Red. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Ça n'a pas rapport le Si dièse, finalement. Ce serait plus comme un Mi dièse. T'essaies d'amener ça comme trop intelligemment, avec trop des vrais faits. Je trouve, encore une fois. Ça a l'air trop vrai, de même. Donc, être sur l'accord de Ré, c'est se trouver dans une situation difficile, périlleuse. Donc, vous avez certainement déjà tous vu un funambule. Donc, une de ces personnes qui ose s'aventurer en équilibre sur un simple câble tendu entre deux points. Un peu comme un hamac, mais plus tendu. Et avec les deux points souvent un peu plus éloignés. C'est comme Tintinabule, mais pas pantoute. Genre. Aussi. Donc, ce câble, c'est la corde raide. Raide parce qu'elle est extrêmement tendue entre les deux points d'attache, ce qui est indispensable pour que l'individu ne se trouve pas au milieu du trajet dans un grand creux qui lui interdirait la remontée vers l'une ou l'autre des extrémités. Alors, on voit très bien l'image de la corde qui troute. Qui troute. Comme une troute mouchetée. On sait faire... quand ça fait un trou, okay. C'est trouté. Trouté, d'accord. Sur Twitter aussi, tu fais ça, trouté. Non, je suis pas là-dessus. Cet individu, debout sur sa corde, est forcément en équilibre précaire, prêt à basculer d'un côté ou de l'autre, happé par le vide, la moindre faute le conduisant à finir de nombreux mètres plus bas. Sa mission, il l'a acceptée, consiste donc à rejoindre l'autre extrémité du câble sans chuter. Voilà qui symbolise parfaitement la situation périlleuse de laquelle il faut beaucoup d'habileté pour se sortir sans se figurer qu'à bien notre expression. Donc, celle-ci apparaît sous la forme « danser sur la corde » au cours de la première moitié du 17e siècle. Mais « danser » suppose une insouciance, un plaisir qui ont disparu dans notre version moderne où, au contraire, la raideur évoque figurément une situation aussi tendue que la corde elle-même. Donc, on ne danse plus, on est seulement sur la corde raide. Ensuite, « avoir les jetons » ou comme on dit « avoir les jetons ». Les jetons. Avoir les jetons. Les jetons. Je pense que c'est clairement... ça vient sûrement... c'est des AA. Des AA, des OK, AA. Ouais. Ouais c'est les piles ou les alcooliques anonymes? Ah, t'arrives! Ah, ce serait vraiment drôle, ça, d'arriver chez les AA, puis arriver avec tes batteries, puis genre... ben là, c'est parce que je pensais que c'était une réunion des AA. Je pensais qu'on s'échangeait des dildos pis des manettes de TV, tu sais. Ouais, c'est ça, je pense que c'est... Dans les manettes de télé, en fait, souvent, c'est des 3A. Ça dépend des marques, tu sauras. Moi, c'est des 2A dans mon temps. Dans ton temps. Ouais, mais je pense que la raison, c'est rendu des 3A pas mal. Je sais pas. C'est plus petit, il peut faire les manettes plus minces. Je m'en souviens pas, c'est quoi que. Non, je pense que c'est des 2A que j'ai dans ma manette. Les VHS, c'était principalement des 2A. Mais non, mais dans Cogeco, là, les décodeurs. Appelez, s'il vous plaît, au 376-5183. Ouais. Regardez dans votre manette Cogeco. Non, non, venez avec nous à la réunion des 2A. Des trous de A. Des A. Puis là, à côté, t'as le gars qui a juste des batteries de D, genre de lampe de poche. Puis fait comme. Oh, je suis tellement rejet. OK, donc il y a les jetons. Il y a les jetons des AA pour avoir passé un mois sans utiliser aucun gadget avec des piles de A. J'ai pas trop... Ouais, c'est ça. Il y a un jeton. Est-ce que c'est les jetons, l'histoire? Ouais, oui. En fait, c'est avoir peur. Ah, c'est... Ah, Colin. Donc, d'où pour bien venir, chez l'expression... Hey, là, raciste. Comment ça, raciste? D'où peut bien venir cette expression qui est attestée par Esnault en 1916, très précisément. Il semble qu'elle soit tirée du verbe « jeter », donc au sens ancien de « faire jaillir »,« sortir de soi ». Ah, c'est lourd un peu, hein, datant du 11e siècle. C'est aussi avec des piles de A dans un dildo, ça mène à ça. Hein? Ça fait jaillir de soi. Jaillir de soi. Donc, ce qui peut se traduire par évacuer des sécrétions, hein, jeter des pleurs, qui par extension pouvaient aussi être des matières fécales. Ah! Donc, ne dit-on pas, en effet, faire dans sa culotte ou plus vulgairement chier dans son froc lorsqu'on a très peur. Donc, on retrouverait alors dans notre expression l'association habituelle de la peur avec l'excrétion fécale. Donc oui, avoir les jetons, ça a vraiment rapport au caca. Mais quand tu dis dans son froc, ouais. Qui porte un froc de jeans autour de la tête? C'est à cause de ça? Non, mais des pantalons, c'est aussi? Un froc en France. Je sais pas, j'ai aucune idée. Ah ouais. En France, un froc, c'est des pantalons. Ah ouais. Quand, ben oui. Quand un prêtre est défroqué, maintenant, c'est juste qu'il a enlevé ses pantalons. Hein? Okay. Hein? C'était quoi ça? Défroquer. Ils disent ça quand un prêtre est défroqué. On dit ça? Vas-y. Pas déféquer. Steph. Tomber des nus. Steph. Franchement. Ouais, mais ça, c'est le prêtre, là, quand il a défroqué. Là. Il est tombé des nus, ça. C'est normal. Donc, tomber des nus, c'est être extrêmement surpris, être décontenancé par un événement inopiné, ça, j'ai dit. Ou arriver à l'improviste, survenir inopinément, ce qui est un peu la même chose que inopiné. Pas mal, hein? Donc, il s'agit d'un terme tombé en désuétude qui ne s'utilise plus aujourd'hui que dans certaines locutions comme la nôtre et qui désigne un nuage ou un groupe de nuages. Ah. Donc, il n'y a personne de tout nu, malheureusement. Or, que trouve-t-on dans les nuages? Un ange, bien sûr. Ah, oui, j'avais hein? pas pensé à ça. Et ceux-là sont tellement coupés de notre monde et de ce qui s'y passe. Si jamais l'un d'entre eux venait à se retrouver, par exemple, sur le boulevard des Forges, comme ça, il en serait complètement stupéfactionné, comme s'il était tombé des nus, donc de chez lui ou d'un autre monde, hein, de ces nuages. Donc, cette vision des choses permet aisément d'expliquer le sens actuel de l'expression. Mais qu'en est-il du sens initial? Eh bien, les nuages ayant eu une part de mystère, parce qu'on ne savait pas trop qu'est-ce qui s'est caché hein, à l'époque avant de comprendre comment c'était fait, quelqu'un qui survenait à l'improviste pouvait sembler apparaître de derrière un nuage avec un recours au surnaturel comme dans « tomber du ciel », le verbe « tomber » marquant ici la soudaineté. Donc, si cette expression est apparue au 17e siècle avec son sens ancien, c'est très rapidement que sa signification a glissé de ce qui provoque la surprise, donc l'arrivée inopinée vers l'état de surprise lui-même. Voilà. Cool. Ensuite, filer à l'anglaise. Ça, c'est une traduction littérale de... C'est quoi l'expression déjà? Filer à l'anglaise. C'est ça. Parce que l'origine, c'est filer à l'anglaise, comme Ian Anglin. Okay. Donc ça c'est quand tu fais beaucoup trop d'émissions en même temps. Puis quand tu passes à un autre projet, ben, tu files à l'England. Tu passes d'un projet à l'autre comme Ian England, tout le temps en train de tout animer. Okay. C'est un peu l'équivalent de sauter du coq à l'âne, mais pour Sauf que c'est sauter du coq à l'âne, Ian England, c'est ça. À l'âne England. Ah, des fois en français on dit ça, sauter du coq à l'âne England. Ok. Ça arrive. Mais c'est moins répandu. Ouais, c'est un petit peu moins, plus fancy. C'est une clique. Donc, filer à l'anglaise, en fait, c'est partir sans dire au revoir, sans se faire remarquer. Donc, l'origine de cette expression n'est pas certaine, mais bien sûr, on a quand même des hypothèses. Donc, il peut s'agir d'une vengeance relativement récente vis-à-vis du peuple d'Outre-Manche, donc on parle des Anglais, qui utilise l'expression « to take French leave », donc « filer à la française », pour signifier la même chose. Puis autres, tu parles de France Castel, tu sais. Tout à les références et des acteurs québécois, tout le temps là-dedans. En Angleterre, oui, ouais, c'est clair. Le French Castle. Donc, il peut aussi s'agir d'une déformation orale du mot « anguille ». Sinon, parmi d'autres explications, au 16e siècle, un créancier était appelé un Anglais. Et on imagine bien le débiteur filer à l'anglaise lorsque son créancier préféré était dans les parages. Ah ben! Donc, plein de belles hypothèses comme ça. Ensuite, de voir une fière chandelle. Ben ça c'est Jean-Philippe Charbonneau, co-animateur des Palmarès C'est Fou, qui aime beaucoup les ailes de poulet, hein. Ok. Donc il est très fier de son chandail qu'il a réussi à planter chez eux. Je pensais que c'est parce qu'il cachait des ailes dans son chandail, c'est un chandail. Ah c'est bon ça aussi, on prend ça à la place, il cache des ailes de poulet dans son chandail, c'est un chandail, c'est parfait ça. Ah, d'avoir une fière chandelle, c'est avoir une grande dette de reconnaissance envers quelqu'un. Ah. Et doué des ailes de poulet. Ça fait longtemps. J'y verrai jamais. Il est en vacances en plus cette semaine. Il mange à mesure. En fait, l'origine, c'est que le mot fier a ici le sens de grand, fort ou remarquable. Donc, quant à la chandelle, elle vient du cierge qu'il fallait autrefois obligatoirement aller faire brûler à l'église en témoignage de reconnaissance. Donc, à la fin... Oui, c'est ça. Du 18e siècle. Ah, je sais pas, il y a eu trop de bars. Donc, à la fin du 18e siècle, il doit une fière chandelle à Dieu, voulait dire elle a échappé à un grand péril. Tout simplement. Ah. Mathieu, hein? Faire la grâce matinée. Faire la grâce matinée? Ça, c'est quand tu fais servir un déjeuner au lit d'ailes de poulet. Avec du bacon. Avec du bacon. Alors, je me suis dit du bacon avec des tranches épaisses en fin de semaine. C'était bon. C'était bon. Fait que c'était la grosse matinée pas mal parce qu'il était rendu, je pense, proche 2h30 quand je me suis fait à déjeuner. Grosse matinée. Pourquoi pas? Faire la grosse matinée, en fait, c'est dormir ou rester au lit tard le matin. Donc on peut se faire du bacon. D'habitude quand on fait la grasse matinée, on a le temps de se faire du bacon en se levant. Mais faut se lever malheureusement. On peut pas se le faire coucher. Pas encore. C'est quoi le règlement? C'est quoi le règlement? Achète-toi un petit poêle de camping, fais-toi du bacon dans ta chambre. Ah ouais, le gras sur le bedon, là, menum menum. Brûlé au troisième degré du bacon. Ben, si c'est du bacon, pourquoi pas? C'est bon, ben oui. Aucun problème. Donc, au début du 16e siècle, on disait dormir la grasse matinée. Okay. Donc, le terme gras peut aussi être compris comme associé à une chose molle et onctueuse, comme peut l'être un lit dans lequel on se prélasse longuement avec volupté. Mm-hmm. Mais il peut aussi venir du latin crassus ou épais pour désigner une matinée plus épaisse, entre guillemets, que les autres parce qu'elle se prolonge, tout simplement. Ben oui, comme les tranches de bacon, épaisse. De moi tu parles? Non, de mon bacon. Ah, l'été indien. non, ça, c'est pas la chanson de Joe Dassin. Non, j'allais dire que c'est l'émission avec G. Snyder. C'est encore pire que Joe Dassin, hein? Ouais, non, j'ai Joe Dassin, moi j'aime ça. Ouais. Mais non, Joe Dassin, G. Snyder, puis l'autre, c'est qui l'autre? Drucker, c'est ça. Mais non, j'essaie de chercher. L'été indien. Fais ton affaire, je vais y penser. Bon. Donc, l'été indien, c'est, on dit que dans le nord des États-Unis et au Canada, période de l'automne où la température reste très agréable et les couleurs de la nature magnifiques. Ensuite, on va dire partout ailleurs, en dehors des États-Unis et du Canada, c'est une période de beau temps et de température agréable juste avant l'hiver. Puis c'est exactement la même chose, là. C'est quoi la différence entre une période de beau temps et température agréable juste avant l'hiver? Et température agréable, les couleurs sont magnifiques dans la période de l'automne. C'est la même chose, ouais. C'est ça, c'est la même chose. Ouais. Donc, cette appellation est traduite de l'anglais Indian Summer, qui nous vient du Canada. Donc, on se rappelle que mes références sont françaises. C'est vrai. Donc, il nous parle du Canada à la troisième personne. Donc, cette appellation, elle évoque cette période après le véritable été et avant les premières neiges, mais aussi après les premières gelées. Donc, en octobre ou en novembre, où il fait encore bon profiter de la nature. Donc, on doit avoir eu des gelées. Et ensuite... Pas des jelly beans. Non, pas des jelly beans. Jelly beans. Des jelly beans. Donc, les qualificatifs indiens, bien entendu, liés aux Amérindiens, les habitants originels de cette contrée, que les premiers navigateurs venus d'Europe croyaient rencontrer aux Indes. Et je trouve ça encore plat qu'on appelle ça des Indiens. Oui, hein? Ah, ça semble les gens allaient à l'école. Oui. Hein? Comprenez que c'est pas des Indiens, là, c'est des Amérindiens. Jelly Bean, c'est pas un journaliste à Radio-Canada, ça? Non, ça, c'est Jean-François Lébin. Moyennement. L'origine de cette appellation qui est attestée en 1778 chez l'écrivain franco-américain Saint-Jean de Crèvecoeur n'est pas certaine. Elle peut tout simplement venir du fait que l'été indien est fréquent dans ces territoires originellement occupés par les Indiens. D'autres disent que vu la haute estime, là on dit haute estime entre guillemets, qu'avaient les colons des Indiens à cette époque, la locution pouvait simplement vouloir dire faux été. Ah. Mais dans le livre, là, le document « Mœurs domestiques des Amérindiens » paru en 1833, on trouve cette explication. Et je cite « L'été indien, me dit-on, est ainsi nommé parce qu'à l'époque de l'année où il arrive, les Indiens abandonnent leur cantonnement en village et avancent dans l'intérieur du pays pour se préparer à leur chasse d'hiver. Cette époque semble une ligne de séparation entre la chaleur de l'été et le froid de l'hiver et la saison encore douce favorise ces migrations. » La cause de cette chaleur est la combustion lente des feuilles et des autres matières végétales de leur immense forêt. Mm-hmm. Le terme s'est ensuite répandu hors d'Amérique du Nord pour désigner une période préhivernale avec du beau temps et des températures douces. En France, on va aussi appeler cette période l'été de la Saint-Martin. Ben, pour Martin Deschamps. Indian Summer, l'été indien en anglais, Indian Summer. Ça, c'est ça me rappelle là, tout l'été là, que j'ai passé à l'intérieur de Diane. C'était Indian Summer. Indian Summer. L'été à l'intérieur de Diane. Ah, c'est bon. C'est bon, hein? Ouais. Ça valait pas la peine, hein? Non. Okay. Pas coudant. C'est tout. C'est tout. Ben oui, c'est tout. L'été Indian. Merci, Steph. Ça me fait plaisir. On fait cette plus simple expression. Elle est lundi à 9h dans l'assemblagerie. Nous, il va nous rester juste assez de temps pour aller en musique et revenir se dire au revoir après. Parfait. Donc, on écoute Dumas. Voici Compte à rebours. 89.1 FM. Ça, ben, ça va être bon, ça? Ben oui. Indian Summer. Et compte à rebours à Assemblage Requis. C'est là-dessus que ça va se terminer pour aujourd'hui, n'est-ce pas, Steph? Déjà? Oui, sniff, sniff, sniff, sniff. Mais nous serons de retour demain entre 6h30 et 9h30, toujours en direct à partir de 7h30. Demain, on est mardi, on va avoir Gabriel Béhoud de La Luître. Wouhou! Pour parler de la Coupe 3R qui va se continuer. En fait, c'est ce soir, lundi 20h à la Chasse-Galerie et ensuite mardi 20h à la Maison de la Culture. On va en parler avec lui demain. Demain, on va aussi faire une grosse pointe en dresse. avec un produit du commerce qu'on va critiquer ensemble, mais des nouvelles de fast-food. Restez sur nos ondes, le dîner de cons s'en vient à 11h avec Danny Janvier. À 13h, c'est la nouvelle émission Escale A. C'est leur première aujourd'hui, c'est une émission de voyage. Ça débute à 13h. Ensuite, à 17h, c'est Radar Jeunesse. 18h, Palmarès du Monde. 19h, Le Voyage Insolite. 20h, Rock de Neurones. CIF.ca pour la programmation complète. AssemblageRocky.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. Merci Olivier Lessard. Oui. David Ferron. Plein de monde. Plein de monde écouté en spectacle. Et puis, on se retrouve demain matin. Bye, Steph. Merci. Bye, Mathieu. Bye.